Radiomatique. This was yours, this was mine, and this we thought unique, and this he said to you, to me, it sounded true, yes it rhymed deep, and this note we share, this common deceit, when we're old, and this body we need. What's left of us to seek? You tell me your story, and I'll tell you mine. And if they sound familiar, it's 'cause you never took the time to change the hook line that dragged us out and buried deep on the rock. And this body we meet, and what's left of us we see. This body we meet, what's left of us we seek. Come around, sister, sister, now we be chosen and recognized by he. Let's cut and tear in the open air, let's gather all that's left to keep. And we rest for the winds to sweep all around this body we meet. And what's left for us we seek. Yes, around this body. La transmission 227 d'Audiomatique s'ouvrait avec la musique de Lou Doyon, soit la chanson Widows, extraite de son troisième et plus récent album, Soliloquy, qui a été lancé le 1er février 2019. Les sonoristes vous accueillent dans l'univers des sons où, justement, toute la place est laissée au son. Audiomatique, cette séquence de deux pièces se terminait sur la collaboration entre les projets Displacer et Neemon, ce dernier étant incarné par l'artiste Keith Baker, connu pour son projet solo Keith Baker. La pièce que nous avons entendue, issue de cette collaboration, se nomme Resting Place et paraît sur l'album House of the Dying Sun. Avant cette collaboration entre Displacer et Neemon, nous écoutions la formation Lights Out Asia et sa pièce An Imperfect System, tirée de son dernier album High Brazil, paru en 2012. Cette fois à Audiomatic, A Place to Bury Strangers. Instrument.

Oh, Il s'agissait à Audiomatic de la formation calgarienne Preoccupations, qui est en fait la nouvelle appellation du groupe Viet Cong, qui a dû changer son nom puisque certains les ont accusés, entre autres, d'appropriation culturelle et de racisme. Depuis que le groupe porte le nom de Preoccupations, il a lancé deux albums, un album homonyme en 2016 et l'album New Material en 2018. Tiré de cet album, nous entendions la chanson Antidote. Précédemment à Preoccupations, nous avions droit au groupe montréalais Soons et une version remixée de leur chanson Instrument par Red Shape, qui est le projet du berlinois Sebastian Kramer. On peut retrouver cette version sur l'album vinyle Hold Still Remixes, qui, comme son titre l'indique, comprend des chansons de l'album Hold Still de Soons remixées par différents artistes. Et pour amorcer le tout, le groupe new-yorkais A Place to Bury Strangers nous interprétait la pièce Drill It Up de leur mini-album Onwards to the Wall, paru en 2012. Audiomatic, allons-y maintenant avec le projet québécois Millimétrique. We'll be right back. La séquence se terminait sur la musique du projet Carsten Flum et sa pièce Onaki, paraissant sur son album intitulé Dode. Et avant, c'était le projet millimétrique de l'artiste québécois Pascal Asselin, de son plus récent album Make It Last Forever, sorti à l'automne 2018, nous écoutions la pièce Aloha Shepherd Fairy. Pour mener cette transmission 227 d'Audiomatique vers sa finalité, nous vous ferons jouer la chanteuse américaine Sharon Van Etten et sa composition Hands de son plus récent album Remind Me Tomorrow. Les sonoristes vous attendent mercredi prochain à 17h pour la diffusion en direct de la transmission 228 d'Audiomatique. D'ici là, vous pouvez vous rassasier de sons en découvrant les anciennes transmissions archivées sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique/CFOU. Voici Sharon Van Etten et la chanson Hands. C'était Audiomatique avec les sonoristes.